Je me suis vu dans les cordes. Je me suis vu rabaisser. Je me suis vu oublier. Je me suis vu tout seul. J'essaie de marquer au corner. Oula, oula. J'ai des ennemis, j'ai pas de mère. Oula, oula. Peut-être que je manque de repères. En tout cas, c'est la vie, faut pas s'en faire. Gala, gala. Quand je vois mon petit rêve dormir, je veux briser le monde. L'avenir des miens au péril du tien. Je dois sortir le monstre. J'essaie de pas trop penser. Y'a que la haine qui ne m'a pas déçu. J'ai pas le temps de me branler. Je te ken et je te crache dessus. Je porte pas la cravate, ni le papillon. Je porte mes couilles, toi tu joues de la flûte comme papillon. Tu me parles d'amour. Mais qu'est-ce que tu connais? Si je te tends la main, tu me couperas le bras. Mais j'ai pas de Rolex. Ah, gros, on navigue dans la tempête. J'ai beau poser le front sur le sol, Nico, je m'endette. Donne-moi des ailes pour que je m'envole. Je regarde le ciel cloué au sol. Ah, on dira pas qu'on a mal. Ouna, ouna. On cherche le bonheur ou c'est sale. Gros, on navigue dans la tempête. J'ai beau poser le front sur le sol, Nico, je m'endette. Donne-moi des ailes pour que je m'envole. Je regarde le ciel cloué au sol. Ah, on dira pas qu'on a mal. Ouna, ouna. On cherche le bonheur ou c'est sale. Hugo, ce soir, j'ai la haine. Et même parfois, je confonds ma haine et ma peine. En attendant que je raccroche, les clics qu'on s'appelle. Armé comme un ange, je viens pour embrasser la paix. Plus d'oseille, il me faut zéro plaisir, je réinvestis tout mon labeur. L'argent sale en noir et blanc, j'en ai pas vu la couleur. Fini de rêver, besoin de rattraper le temps, salaire sur le poignet. J'ai pas besoin qu'on m'aime, je fais P2 à Casper, je suis bien accompagné. De tourner à ta putain, je fais face à la réalité, fuck mes rêves. Je compte le bénéf de la veille du monde quand ça s'enjaille, personne quand ça crève. Donne-moi ton bif, je veux pas savoir d'où il vient. Donne-moi ton cul, je veux pas savoir c'est combien. Faut pas t'en faire, PNL mon camp. Le monde s'active autour de moi, j'observe sans le comprendre. Je suis différent, parfois c'est confus dans ma tête. Tout ce que c'est, ces putes sont pas prêtes. On sauvera pas toute la misère, un nickel armand dans sa prête. PNL. Ah, gros, on navigue dans la tempête. J'ai beau poser le front sur le sol, Nico, je m'endette. Donne-moi des ailes pour que je m'envole. Je regarde le ciel cloué au sol. Ah, on dira pas qu'on a mal. Ouna, ouna. On cherche le bonheur ou c'est sale. Gros, on navigue dans la tempête. J'ai beau poser le front sur le sol, Nico, je m'endette. Donne-moi des ailes pour que je m'envole. Je regarde le ciel cloué au sol. Ah, on dira pas qu'on a mal.